Évoquer la radio par rapport au disque du jour tombe particulièrement bien. Il s'agit du disque de The KLF, Chill Out. Et Chill Out, en fait, peut tout à fait s'entendre comme un long mix ultra radiophonique. Et encore long, ça reste relatif, puisque finalement, le disque fait 40 minutes, hein, c'est plutôt l'équivalent d'un standard vinyle, avec ses 2 fois 20 minutes classiques, finalement, à peu près, que le standard d'un CD qui, lui, pouvait allègrement dépasser les 60 minutes, puisque le format le permettait. Mais Chill Out, revenons-y, bah, c'est un disque qui marque au moins une génération, qui est à la fois un rebirth de l'ambiance, l'ambiance avait-elle disparu, puis en même temps, bah, il va paver le genre de plein de néo-définitions à qui mieux mieux. Alors, resituons-nous un petit peu à l'époque. Chill Out, le bien nommé, fait référence aux espaces dits Chill Out qui vont peupler les rêves à partir de la fin des années 80. Et tout le monde sait, ou tout le monde savait à l'époque, qu'on était très heureux de pouvoir se retirer un petit peu de ces beats ravageurs et extatiques pour aller baigner dans un petit peu plus de volupté. Et volupté, certes, qui pouvait conjuguer nappe et bien-être dans le cas échéant, mais aussi être le terreau fertile de pas mal d'expérimentations. Donc, un néo-genre, effectivement, demandait qu'à naître. Et on parlera assez vite, d'ailleurs, avec The KLF et d'autres, The Orb notamment, d'un genre Ambient House, le bien nommé Ambient House. Un genre qui vivra, survivra le temps qu'il devra. Aujourd'hui, regarder un petit peu à la loupe et revenir en arrière sur un disque absolument fondateur du genre, hein, le Chill Out de KLF, donc date de 1990, est un exercice extrêmement intéressant. Alors, quasi périlleux. Moi, j'avoue que je n'avais pas remis une oreille sur ce disque-là depuis très longtemps, très très longtemps, tout en vouant un vrai culte à ce disque-là. Simplement, c'était quelque chose qui s'était empilé derrière d'autres piles et sur lequel je n'avais pas spécialement envie de revenir. Eh bien, on a fait, finalement, parce que ce disque garde énormément de modernité, à mon avis, beaucoup plus que les autres tentatives de The KLF. The KLF avait notamment signé, pour la même année, 1990, 2 disques d'ambiance forts, celui-ci, donc Chill Out, mais aussi un autre, complètement empreint d'humeur spatiale et synthétique. Le disque s'appelait Space, d'ailleurs. Et celui-ci, il faut admettre, a plutôt mal vieilli, en fait. Il a un aspect kitsch qui supporte mal le temps. Et même le concept lui-même supporte assez mal le temps. C'est finalement d'une espèce de planétarium sonore, ni plus ni moins. Quand bien même on sait que l'univers sci-fi, celui des planètes, a complètement baigné la musique électronique, je pense à celle de Détroit, elle était une source nourricière majeure, mais probablement avec moins de ringardise qu'avec l'album Space de The KLF que j'évoque. Alors, on a le droit d'être pas d'accord avec ce que je dis, hein, d'ailleurs, vous, lâchez-vous sur le forum si vous voulez, d'ailleurs, enfin le chat. Le Chill Out de KLF, lui, prend pas une ride. Non seulement il ne prend pas une ride, mais je trouve qu'il se redécouvre avec le temps de manière délicieuse. Jimmy Cauty et Bill Drummond, hein, qui sont donc le binôme fondateur de The KLF, travaillent déjà ensemble depuis 1987. D'ailleurs, The KLF n'est pas leur seule identité. Ils ont d'autres pseudos comme The Jams et les Time Lords. Ils s'illustrent avec des tubes qui sont quand même assez ravageurs. Bien sûr, je pense à What Time Is Love, qui va non seulement signer les anthèmes de rêve, tout début des rêves, on est en 1989, mais donner un petit peu de la voix à pas mal d'autres gens qui vont les suivre. Et il y a chez eux deux, plus qu'une attitude de musicien, il y a une attitude de détournement qui est absolument assumée. Alors, par voie de sample, ça c'est clair, et vous allez voir que le Chill Out n'en manque pas, mais aussi par voie de détournement volontaire, de perspective politique carrément inspirée des situationnistes. L'un et l'autre viennent pas d'ailleurs d'un milieu strictement musical, mais plutôt d'univers arty, finalement, sur lequel ils vont pouvoir à propos mettre un petit peu leur esprit politique, leur esprit de détournement. En un sens, c'est pas si éloigné des attitudes que pouvait avoir à leur tout début Coombe Transmission, c'est-à-dire la jeunesse de Throbbing Gristle. Alors, avec peut-être moins de férocité et de méchanceté, mais il y a beaucoup d'ironie, mais aussi beaucoup de cynisme, et non pas chinisme, chez The KLF qui est extrêmement intéressante en elle-même. Pourquoi ce disque garde une vitalité hors norme? comme le faisait remarquer mon camarade Jean-Yves Leloup, qui va faire paraître très très rapidement un bouquin sur la musique ambiante. Il nous dit que si l'ambiance possède un lien solide avec l'idée de paysage et de territoire, la question du voyage et du cheminement, elle, lui est beaucoup moins familière. Et effectivement, c'est le début d'une réflexion très intéressante pour rentrer dans le chill out de KLF, parce qu'en fait, c'est un road trip. C'est un disque de voyage, c'est une espèce de grand carnet de notes sonores à la façon de Nicolas Bouvier, qui part du golfe du Mexique, en fait, et qui parle d'une ville frontière entre le Texas et le Mexique, qui s'appelle Brownsville, et qui va remonter vers le nord en suivant le Rio Grande. Tout ça nous amène jusqu'en Louisiane, et le tout est agrémenté, on va dire, de notes de voyage, de field recordings, d'impressions et de citations. Mais voilà, rien de ça n'est vrai. Et c'est un gigantesque fake, alors un peu à la façon dont Eskimo des Raisins, que je campais la semaine dernière, pouvait aussi être présenté comme un fake. Mais néanmoins, c'est un vrai fake. Donc, est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux ? En écoutant cet album aujourd'hui, je me suis vu, comme certains l'avaient expérimenté au début de Google Earth et de Google Maps, ces voyages in situ, donc ces voyages confinés, on est un peu plus dans le ton aujourd'hui, évidemment, est-ce que j'ai besoin d'insister, sur une pérégrination comme ça qui n'existe pas et qui pourtant n'en est pas moins réelle. Et quiconque aura fait l'expérience de Google Earth aura bien remarqué que, effectivement, de promener son curseur d'un point à un autre, et le tout d'ailleurs en ayant un point de vue hein, qui a été au préalablement filmé et référencé par les Google Cars, finalement vous fait quand même opérer un voyage réel. Et écoutez Chill Out aujourd'hui avec cette perspective-là, c'était absolument fascinant. Parce qu'en fait, ça marche extrêmement bien. Alors revenons sur le disque en lui-même. Et avant de rentrer dedans soniquement, bah, on va déjà le regarder visuellement. La pochette, plus qu'un classique, parce que c'est un classique qui en nomme un autre, est un grand paysage de verdure, en son centre un arbre, au devant des pâturages sur lesquels pèse un troupeau de moutons, ils sont 6 ou 7 moutons, et puis derrière ça un ciel bleu avec juste un fin nuage, bref c'est l'image bucolique par excellence, image bucolique qui en convoque une autre tout aussi célèbre, c'est celui de l'album des Pink Floyd, Atom Earth Mover. Évidemment. Et mettre les deux images l'un à côté de l'autre est absolument, effectivement, absolument savoureux. Alors, dans cet hommage, parce que c'en est un, finalement, de The KLF au Pink Floyd, moi, je vois bien plus qu'une citation. Il y a probablement l'idée de réhabiliter un esprit 70s qui avait quand même totalement disparu dans la musique des années 80. Voilà. Donc, c'est l'esprit, certes, ambiante, et c'est la musique du même nom. Hein. Ce que je dois rappeler qu'elle a été inventée, tout du moins théorisée, par Brian Eno, avec la fameuse série de disques du même nom. Mais c'est aussi cet esprit un petit peu tête chercheuse, voyageuse, qui va camper le concept d'un album entier. Et a fortiori, donc, celui-ci, le chill-out de KLF. Ce voyage, il est prétexte, vous allez le voir, à plein de rencontres sonores. Des rencontres assez... D'abord de field recordings. Mais alors le problème, c'est que ce ne sont pas des field recordings au sens propre, puisque ce ne sont pas des enregistrements qu'ils ont fait eux-mêmes. Ce sont des bruitages, si vous voulez. C'est des sons extraits de banques de sons et sur lesquels on va avoir énormément de bruits qui sont en lien avec le transport, la vélocité, alors bruit de voiture, celui du train qui revient assez cycliquement, la circulation, l'air, tout simplement l'air, bien sûr des sons composés par eux-mêmes. Il y a évidemment un boulot de travail. Il faudrait que je retrouve, parce que j'avais réussi à retrouver un petit peu les notes. Bon, je crois que je ne les ai pas sous la main, mais ce n'est pas grave, hein, je suis en improvisation libre. Sur le matériel qui avait été utilisé par Drummond et Conti. Un sampler, à l'évidence un Akai S900, c'était la base un petit peu de tout le travail à l'époque. Un delay digital, un ordinateur Atari, probablement Atari ST. Et un Oberheim dont je ne retrouve pas les références exactes, mais c'était quand même un synthé polyphonique, un Oberheim avec 8 voix de polyphonie, donc pas non plus le synthé du pauvre. Voilà, et tout ça avec tout ça avec une table de mixage adaptée, et probablement multipiste. Voilà, ils travaillaient à l'époque dans leur studio Transcentral, fameux studio Transcentral. Bon, c'est à la fois un squat, un loft et puis et un studio. Ils y bossent ensemble déjà quand même depuis un petit moment. Les convocations sonores, ou celles que j'ai nommées, les plus intéressantes, c'est les samples, en fait, à mon avis. Là, c'est plus que des samples, sont des convocations évidentes, mais évidemment détournées par un certain contexte, filtrées, etc. Vous allez reconnaître Elvis Presley, par exemple, sa chanson « In the Ghetto », qui est carrément posée là comme un tube de radio. Mais on y entend aussi Fleetwood Mac, le clarinettiste Easy Listening, Axel Blake, alors qui est pas du tout connu en France, mais enfin qui était une star de la clarinette, Muzak, c'est de la Muzak en fait, en Angleterre. Voilà, et alors d'autres choses un petit peu plus pointues, mais alors un peu déguisées. Il y a des chants diphoniques de Mongolie, il y a 808 States, mais un petit peu masqué aussi. Alors 808 States, c'est les cousins de Manchester, hein, qui œuvrent à la même époque, évidemment. Par contre, est mis très en avant cette volonté de piocher dans des samples extrêmement calmes et empruntés à une pop complètement mainstream et évidente, voilà, à la façon de la radio. Et là encore, en se reprojetant dans le trip sonore, dans l'avancée, parce que tout est en mouvement ici, même si c'est du mouvement calme, il y a une apparition de ces samples qui sont là comme des signes. Mais c'est quoi ces signes ? C'est les panneaux de la circulation routière qu'on va croiser finalement dans ce voyage virtuel, mais quand même ô combien réel. Et à l'image des grandes routes et highways américaines, ici ça fait complètement sens. C'est amusant parce que quand en 1994 sort Lost Highway de David Lynch, j'ai tout de suite fait un rapprochement avec ce disque. Il aurait idéalement pu en faire une formidable BO. Alors peut-être un peu trop calme par rapport au film qui laisse quand même entendre quelques pointes un petit peu acerbes. En plus, c'était Nine Inch Nails qui était aux commandes de la BO de Lynch. Hein. Donc pas franchement le même esprit que KLF. Encore que. Voilà. Avant que je vous laisse avec le disque, et puis on conclura un petit peu après, il est pas très long, il fait 40 minutes. C'est un disque qui a été fait dans le mix, finalement. Donc on est à la fois... C'est à la fois un disque de pré-production et de post-production, mais plus de pré-production. J'entends que le disque, il a été réalisé en une seule fois. Ça, c'est très rare, enfin spécialement dans la musique électronique. On sait combien on doit un petit peu aux retouches qui sont faites dans l'après. Et là, non, il a été plutôt préparé quand même sur plusieurs jours, avec des samples, etc., préparé. Ouais. Mais comme il fallait le réaliser de facto d'une fois, voilà, il a fallu quand même avoir plusieurs prises avant de garder la bonne, mais la définitive est faite, je l'insiste encore, sur une seule prise. Donc finalement, une pré-production plus soignée qu'une post-production qui, elle, se devait d'être dans le flow, à la façon d'un DJ set. DJ set probablement en lien avec les fameuses soirées Land of Oz, ça avait lieu au Club Heaven, et Land of Oz, c'est Jimmy Cauty qui œuvrait aux côtés d'Alex Patterson, autrement dit The Orb, qui allait par la suite devenir un petit peu les chants de la dite et la bien nommée Ambient House. Voilà. 11h15 minutes, tout de suite, à l'écoute de ce fantastique album de KLF, ce fantastique voyage. Il est difficile d'imaginer musique plus confinée pour humeur confinée aujourd'hui. On se retrouve dans 40 minutes, bonne écoute. Thank you. back fat as a rat. All the way down the East Coast. Get ready. Get ready. Get I told you down the East Coast. I'm talking to you, baby. Thank you. a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. That his mother cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth.

Ainsi se conclut ce voyage assis et merveilleux manifeste hein, de l'Ambient House, hein, s'il en est, signé par DKLF, donc en 1990.